8h39, Marc Bollard, bon matin. Salut, salut, comment ça va? Oh, très bien, toi? Ben oui, vendredi. Écoute, ce matin, je me disais, il faut absolument qu'on revienne sur la discussion enflammée de mardi dernier. Ah, je suis contente qu'on fasse ça. Ben oui, parce que, ouais. Ben, en plus, je sais que Catherine, hier, t'étais avec une série de tes collègues, amis, vous avez dû avoir des, une suite déjà impromptue. Mais juste pour ceux qui ne nous suivaient pas ou qui étaient pas là mardi dernier, il y avait une nouvelle showbiz qui disait que le fameux livre 50 nuances de gris avait commencé le tournage pour une sortie pour la Saint-Valentin 2015. Donc, ça devient un film, inévitablement, comme tous les livres qui deviennent très populaires. Et là, ben, on est allé dans les théories, tout le monde, Sylvain, toi, moi, à savoir qu'est-ce que ça révèle, ce livre-là. Puis Sylvain puis moi, on a un peu une théorie, c'est que les filles sont en train de devenir des gars. Et puis là, on est tombé dans un paquet d'affaires et tout. Puis je sais que Catherine, toi, depuis, tu as eu certainement d'autres conversations. Je suis très curieux de savoir où en es-tu par rapport à ce sujet. Je suis vraiment contente. Je savais pas que ça allait être ça, le sujet d'aujourd'hui. Je suis contente qu'on puisse revenir là-dessus parce que après qu'on en ait parlé, moi, j'ai discuté avec des gens, des filles autour de moi qui ont lu le livre. Oui. Puis je pense que là, on a mis le doigt sur quelque chose. OK. Ouais. En fait, là, on sous-estime... Comment je peux dire ça? Je vais essayer de... Finalement, là, je pense que ce qui accroche beaucoup dans ce livre-là, les filles, là, c'est qu'il y a beaucoup plus de mauvais baiseurs qu'on pense. Et ça, c'est une nouvelle théorie. Hein, première fois que je l'entends, celle-là. Ben, c'est ça. Mais je pense que là-dedans, là, c'est pas tant le côté violence, sadomaso, BDSM. Non, c'est pas ça. OK. On va se le dire en langage cru. J'espère qu'il n'y a pas trop d'enfants dans ce soir-là. Non, à ce soir-là, ça va. Il a fait venir. Over and over. Okay. Puis il est pas mal à l'aise avec ça. Je pense qu'on juste un instant, je vais juste finir là-dessus parce que les gars, je pense que vous allez peut-être me dire, nous, on est très à l'aise avec ça, mais ça a l'air assez généralisé pour les filles autour de moi. Le nombre de gars qui sont mal à l'aise avec le plaisir de leur conjointe. Hein? Ouais, parce que sont peut-être pas nécessairement super habiles. Donc, si elle y va pour de l'auto-stimulation, les autres qui capotent, ils se sentent démunis par rapport à ça. Ouais. Okay. Fait que je pense que c'est ça que 50 nuances de gris va chercher. Lui, il trippe, il a fait venir plusieurs fois et il s'organise pour que ce soit son plaisir à elle d'abord et avant tout. Ça passe par un côté de domination pour lui montrer qu'elle peut se laisser aller en toute sécurité. Puis, vas-y ma belle, là, je suis là, garde-toi. Mais il n'y avait jamais eu un autre livre qui faisait cette simple mission-là de dire, voici un gars qui pense à la fille, etc. C'est ça que je trouve drôle. Parce que l'histoire de base, Marc, l'histoire de base, là, tu l'as dit, c'est un harlequin. C'est pas fort. Absolument. C'est pas mauvais. OK, mais c'est pas ça qui est plus important. Ce n'est pas exceptionnel comme histoire. Ce n'est pas exceptionnel comme histoire. C'est une jeune fille avec un millionnaire hot qui est beau, puis il prend soin d'elle, il capote, il envoie des lettres, il achète un char. Puis c'est l'espèce d'un peu bad boy qu'elle va finir par changer. Tu comprends? On a toutes vu ça, cette histoire-là. Ça a déjà existé. Okay. C'est pas neuf. Là. Pas nouveau. C'est pas nouveau. Okay. L'attrait là-dedans, là, c'est le côté sexuel, puis de la façon que c'est présenté. Parce que en bout de ligne, là, avec elle, il va pas dans le BDSM tant que ça. Tu sais, il y a beaucoup lui. Il l'introduit. C'est comme Jean, je vais te montrer. Ici, mais ça demeure quand même assez soft là. Tu sais, ça dépend des limites de chacun, là, mais... Ouais, parce que moi aussi, j'ai de quoi dire, là. En tout cas, mais voici, Marc, on a tous de quoi dire. Mais ça a été vraiment les conversations avec les filles autour de moi, là. Non, mais si le chapeau vous fait... Si le chapeau vous fait, les gars, vous le prenez, mais si vous ne faites pas, passez à autre chose. On peut même pas parler. Je veux juste dire, on va se défendre. Mais là, si le chapeau te fait, parle. Attends un peu, on veut juste parler. Non, c'est parfait. Mais là, je peux pas parler. Si je parle, j'ai l'air d'un innocent, dès que le chapeau te fait. C'est beau. J'ai pas une question. On comprend pas. J'ai une question. Voici Marc. Catherine, nous autres, on est des gars, là. Okay? Oui. À la lumière de ce que tu as dit, là, que je trouve qui est très brillant, puis ça se peut vraiment, là. C'est très original comme théorie, mais ça a bien du sens. Qu'est-ce qu'on prend en note, nous autres, les gars, de ça? Ouf. Ben, qu'il faut être meilleur. Mais c'est justement ça mon point que je veux amener, moi. Parce que moi, je veux pas contester ta théorie, OK? Peut-être, regarde, je le sais pas, peut-être, puis anyway, ça peut arriver à n'importe quel gars à un moment donné de rater sa shot, mais si votre théorie, c'est qu'il y a plein de mauvais baiseurs, puis que là, 50 nuances de gris, mon Dieu, pour une fois, vous voyez une fille qui a plein d'orgasmes, c'est cool, ouais. Je veux quand même amener un certain point, OK, à la défense des gars, évidemment, OK? Mais bon, il reste que, dans la société d'aujourd'hui, la pression de la relation sexuelle et de la réussite est presque entièrement sur le gars. Pensez-y deux minutes. Combien de fois on entend des filles se plaindre? Puis c'est correct, là. Puis le message, je veux pas avoir l'air trop... Regarde, vous dites, ah, il y en a qui sont mauvais, qui sont pas bons, puis tout. Mais on, c'est de bon ton de voir des femmes discuter de la performance sexuelle des hommes, OK? Or, si jamais... Moi, le moment donné, t'es pas là, pis on est juste moi, Marc Boilard, Labi, puis Will Broad, puis bon. On commence à parler des filles. Check it bien. Pensez-vous que ça va être de bon ton? Ah, c'est toi qui était mauvaise, elle. Hey, quand t'es arrivé pour faire, elle l'avait pas, mais elle faisait pas ci, pis elle faisait pas ça, pis jamais, les gars. Là, on va passer pour les pires machos, les c'est pires vrai. Niaiseux, si moi je discute de la performance sexuelle de la femme. C'est très mal vu. Un gars, faut que ça ferme sa gueule. Les filles sont toutes bonnes. Or, les filles, parce que vous êtes dominantes maintenant dans la société, vous n'hésitez pas du tout à commenter la performance sexuelle des gars. C'est correct. Vous avez le droit. Je veux pas vous enlever ça. Mais soyez conscientes que vous êtes les seuls à le faire. Nous, on n'a pas le droit. Donc, toute la pression est sur nos épaules. Ben, c'est ça pareil. Tu fais bien pitié. Ben non, mais c'est pas... Non, mais il y a un bout de ça. Ben non, Marc, j'ai-tu raison? Non, il y a un bout de ça, je suis d'accord. Mais attends un petit peu. Là-dedans, là, il est pas... Je parle pas nécessairement de performance, OK? Je te parle d'ouverture. Ah, OK, ouais, mais comprends-tu? Ça va un peu. Parce ouais. que, peu importe ce que tu vas faire, là, pour certaines filles, là, ça se peut que, peu importe la grosseur de ton engin ou whatever, là, ça fonctionnera pas. Puis ça va avoir besoin d'un petit extra de side pour qu'elle réussisse, OK? Comprends-tu? Oui, ça prend de l'ouverture. Bon, c'est un très bon point. Voilà. Mais t'es-tu d'accord c'est avec moi? C'est là le point que, en tout cas, Catherine? En parlant avec mes amis qui ont lu le livre, là, puis qu'ils ont accepté de se dévoiler à moi, c'est ça le but. Mais à la défense, un peu en général des hommes, on parle en général anatomiquement parlant. Ouais. T'es-tu d'accord avec moi que la pression est sur nos épaules? De par le fait que pour avoir une relation sexuelle, bon, ben la fille, je dis pas qu'il faut pas qu'elle ait un état d'esprit. Mais bon, regarde, tu parlais d'orgasme multiple pis tout, mais votre corps est fait de même, là, que vous pouvez en avoir à profusion, bon. Alors que pour le gars, ben, il y a une période de récupération. Tu comprends-tu que la pression est plus sur les gars? Okay, mais... Et moi, c'est le discours. Ça, on changera pas la nature. Dans le discours, moi, je suis un peu tanné de voir que les filles peuvent, comme si de rien n'était, vous avez fait un souper de filles hier, ça parle de performance, alors que les gars, nous autres, on peut pas. Or, une relation, ça se fait à deux. Ça se peut-tu, dans certains cas, que si le gars, il a pas été assez performant, ou il a pas été à votre goût, ou il a été, selon votre langage, un mauvais baiser, ça se peut-tu parce que la fille, elle l'a pas aidé bien? OK, mais attends, tu peux. Là, c'est fait parce que tu mets beaucoup d'affaires dans le même panier. Faut être deux pour danser, faut être deux pour bien. Mais tu mets beaucoup d'affaires dans le même panier. Je pense que les filles sont assez conscientes que vous avez certaines limites, puis il s'agit des fois qu'il y a un peu de pression, puis il se passera pas grand-chose. Encore une fois, comme je te dis, je parle d'ouverture. Puis là, il y a combien... Puis là, ça serait le fun quasiment que Cindy puis Jean-Luc soient ici pour nous en parler. Mais il y a combien de gars qui sont mal à l'aise avec l'effet d'avoir certains jouets autour qui pourraient vous donner, vous autres les gars, un petit répit et donner à votre dame beaucoup de plaisir. Ils sont pas capables, ils se sentent diminués, menacés par une patente qui a des batteries qui vous remplacera jamais, mais qui va vous permettre... C'est parce qu'on le sait, nous autres, on n'est pas simple là, à réussir à amener jusqu'au bout. Toi, ce que tu dis, c'est que ta critique est pas nécessairement en matière de performance pas ou d'habilité, mais en matière d'ouverture d'esprit face à certains accessoires ou certaines théories. Puis lui, il est assez fort, puis il est, tu sais, mentalement, puis dans sa façon d'être sexuellement avec elle, qui la met en pleine confiance de se laisser aller là-dedans. Donc, morale de l'histoire. L'histoire de spanking, puis tout ça, là, il y a pas grand fille qui, après avoir vu ça, s'il trippait pas là-dessus avant, ont eu envie de le faire. Go-go gadget. C'est ça, ton logo gadget. Non, mais tu sais, puis il s'est vendu après beaucoup de trucs, des jouets sexuels qui se retrouvent et qui sont spécifiquement nommés là-dedans. Tu sais, comme les fameuses boules chinoises puis tout ça, là, tu sais. Okay. Ça s'est transposé en vente après ça dans les magasins. Mais combien, après l'avoir essayé une fois, s'ils trippaient pas au départ, ont fait « Ah, maintenant, c'est mon trip ». Ça, c'est une bonne question aussi. Ah, ben là, ça, on n'est pas autre, jusque là dans mes choses. Non, mais c'est pour le débat de vendredi prochain. Merci, Marc. Tu as amené un très bon débat. Ouais, c'est un mot qu'est-ce que... 8h49. Ne sous-estimez pas à quel point il y a beaucoup de filles qui n'ont pas réussi à trouver un gars avec assez d'ouverture pour qu'elle puisse être assez bien et se laisser aller comme elle peut le faire. Dis comme ça, j'aime ça. Honnêtement, dis comme ça, j'aime ça. 8h49, on s'en va à la pause. Marc Boilard, présenté par Plancher à tout prix. La céramique est en fête avec ses nombreux spéciaux chez Plancher à tout prix.